Go, go, la revue presse JB. Bonjour, moi c'est Bruno Roca, ancien journaliste jeux vidéo, actuellement game designer, level designer et chef de projet, oui tout ça, au sein du studio Storybird. Vous êtes en train d'écouter la revue de presse JV, le podcast qui vous livre chaque semaine le meilleur de l'actu jeux vidéo, vu dans la presse spécialisée ou généraliste. Allez, c'est parti! Bonjour à toutes et tous, quel bonheur de vous retrouver, chers amis. Et oui, ça fait 15 jours qu'on ne s'est vus. Bienvenue dans la revue de presse JV. Alors, il n'y a pas eu d'émission la semaine dernière, vous le savez, hein, c'était le Marathon Cast, mais j'en parle dans cette émission. Pour tout vous dire, puisqu'on se dit tout dans cette émission, j'avais prévu à la base de parler du Marathon Cast dans l'introduction de cette émission, et finalement j'avais tellement de choses à dire que j'ai préféré en faire un sujet à part entière, et je pense que ça le mérite amplement. Donc on va parler du Marathon Cast, hein, qui m'a beaucoup marqué, on va y revenir. On va parler de Google Stadia, il y a beaucoup de choses à dire sur Google Stadia, alors je m'excuse par avance. Il y a un gros tronçon sur Stadia, puisque je vous avoue que j'y comprenais au bout d'un moment plus grand chose, hein, sur l'offre à proprement parler, hein, sur la communication de Google. Et là donc, grâce à un excellent dossier et test surtout signé Nodus sur GameCult, j'ai pu retrouver mes petits et je vais vous parler de ça tout à l'heure. Le jeu qui passe sur le grill des critiques, et ben c'est Shenmue 3, bien évidemment, toutes les rubriques habituelles. Oh, un bon gros programme à se mettre sous la culotte comme d'habitude. Et sans plus attendre, ce que je vous propose, c'est d'attaquer maintenant donc avec une grosse brochette de news. Je vais faire en sorte que ce soit malgré tout digeste, surtout que j'ai appris que certaines et certains écoutaient l'émission avant d'aller se coucher. Big up à Sushi et Yeti du podcast B-Side Games. Donc, il est important quand même que cela reste relativement digeste pour passer une bonne nuit. Allez, c'est parti! Énorme brochette de news, donc comme je l'annonçais en introduction de cette émission, oui, beaucoup de choses, et tout d'abord, impossible de ne pas revenir sur le X019, oui, la conférence Xbox, hein, qui donne le ton pour 2020, c'est jeuxvideo.com, hein, qui nous dit ça, et qui a fait un bon résumé des annonces, résumé que j'ai resynthétisé derrière, bien évidemment, pour pas que cette brochette de news fasse 3 heures, mais bon, il s'est passé des choses, je rappelle, hein, c'est donc dans la nuit, hein, du 14 novembre, hein, dernier, que s'est tenu le X019, donc une convention annuelle et communautaire de la marque Xbox, et donc il y avait beaucoup de choses effectivement qui ont été annoncées. La majorité des joueurs attendaient effectivement lors de cet événement l'annonce de nouvelles licences, et donc au niveau des nouveaux entrants, hein, nous dit jeuxvideo.com, on a donc remarqué que Obsidian, hein, donc les papes du computer RPG, du CRPG, et bien se ferait un petit détour, hein, vers le monde de la survie en vue à la première personne avec Grounded, hein, c'est leur prochain titre, ce sera lancé printemps 2020, et il fera également partie du programme Game Pass, hein, Game Pass qui a toujours une offre assez agressive. Donc c'est un titre atypique, hein, misant sur la coop et sur une ambiance chérie, géritrice et des gosses, oui, parce que ça se passe dans une sorte de jardin. Effectivement, quand j'ai vu les premières images, ça m'a fait penser aussi à chérie, géritrice et les gosses. Rare, lui, a dévoilé Everwild, hein, à travers une vidéo. Alors, c'est assez onirique, c'est très très beau, c'est très coloré. Le design est vraiment magnifique. Alors, on n'en sait pas beaucoup plus pour le moment, mais on nous promet une expérience permettant de nouvelles façons de jouer dans un monde naturel et magique. Donc c'est très très beau, on en attend beaucoup, je pense que c'est vraiment le jeu qui a tapé dans l'œil de beaucoup de monde, sachant que effectivement Rare, hein, bosse toujours sur Sea of Thieves, hein, bien sûr, puisque la prochaine extension gratuite, hein, nommée The Seabound Soul, nous placera au cœur d'une chasse aux dragons cendrés. Et donc ça, pareil, c'est dans les tuyaux. Dotnod, hein, Life is Strange, a annoncé Tell Me Why, hein, un titre narratif, et donc le studio, nous dit JV.com, hein, compte bien vous embarquer au cœur d'une aventure singulière, comme il en a le secret, et dont l'une des particularités ici sera de vous mettre aux commandes d'un personnage principal transgenre. Le trailer vraiment fait envie, le logo est magnifique, donc on a hâte d'en savoir plus également sur ce nouveau Dotnod. Microsoft de son côté donc a montré son Edge of Empire 4, hein, donc le STR, hein, qu'on ne présente plus, qu'il a à travers un nouveau volet, s'est enfin dévoilé lors de cet événement à travers un trailer de gameplay. On a vu aussi un trailer de Age of Empires 2, le deuxième épisode dans sa version définitive et qui propose des graphismes remasterisés, optimisés en 4K avec des belles animations, c'est magnifique. Alors pour ceux qui ont connu le jeu à l'époque, je pense que là c'est tout bonheur, même si il va falloir compter quand même avec un petit retour en arrière hein, au niveau gameplay. Et sachez que le titre est jouable hein, via le Game Pass PC et console ainsi que sur Steam, là normalement depuis quelques jours déjà. Ninja Theory a refait parler de lui aussi avec son titre Bleeding Edge, hein. Donc le jeu s'est à nouveau illustré, nous dit JV.com, à travers un nouveau trailer, les détails de la précommande, etc. Microsoft a dégainé aussi la carte Halo Reach, hein, qui rejoindra la Master Chief Collection le 3 décembre. Le studio interne InXile a présenté du gameplay de Westland 3, il y a eu un nouveau trailer, et la date de sortie, 19 mai 2020, et Brian Fargo, hein, le patron de InXile, nous explique que là les inspirations post-apo de ce nouvel épisode et le choix du Colorado en tant que terrain de jeu est donc figé dans la glace, hein, ce qui promet vraiment une ambiance assez classe. Le jeu sera aussi disponible hein, le jour de sa sortie sur le Game Pass. On a eu du gameplay aussi sur Crossfire X hein, qui est vraiment un phénomène en Asie, hein, c'est un gros FPS free-to-play et c'est vrai que Xbox veut vraiment pousser sa stratégie sur le marché asiatique, ce qui lui a toujours fait défaut, hein. Donc là Crossfire X c'est quand même un gros signe, donc ça c'est à attendre pour 2020. Côté touche indé, on a eu The Artful Escape hein, édité par Annapurna qui nous a détaillé donc son aventure en profondeur, une épopée multidimensionnelle où vous incarnez Francis Vendetti dans un univers haut en couleurs rempli de lasers et de musique. Bon, ça a de la gueule, hein, il faut le dire. On a eu aussi des nouvelles de Minecraft Dungeon, hein, cette espèce de Diablo-like dans l'univers de Minecraft. Ça, autant vous le dire, je surveille ça pour y jouer avec mon fils. Ça peut être très très sympa. Minecraft, c'est aussi, nous rappelle JV.com, de la réalité augmentée, incarnée par Minecraft Earth, oui, qui revient. On en avait parlé lors de la saison 2 de la revue de presse JV, il me semble. L'application, il faut savoir, est actuellement en Early Access en Islande, en Nouvelle-Zélande et depuis peu aux États-Unis. Donc vous savez, Minecraft Earth, c'est un petit peu le Pokémon Go version Minecraft où il va falloir aller crafter là dans votre jardin, dans le parc à côté de chez vous, dans la rue, à voir si voilà, ça va prendre. C'est vrai que le concept de base est assez attractif. Et donc il y a eu aussi un bon segment Game Pass hein, qui annonce plus de 50 jeux et ressort son offre à 1$ les 3 mois pour fêter ça. Oui, le Game Pass hein, c'est vraiment au cœur de la stratégie de Microsoft et attention, de nouveaux jeux intègrent le service en fin d'année. On retrouve Darksiders 3, Halo Reach, The Witcher 3, c'est quand même énorme. Et courant 2020, le Game Pass va accueillir des titres first party, hein, donc Grounded, Bleeding Edge, Westland 3 dont on a parlé, Flight Simulator qui est très très attendu également, et aussi un vaste catalogue Final Fantasy, oui, 9 épisodes du 7 jusqu'au 15, c'est assez énorme, et les 3 épisodes récents de la saga Yakuza, Devil May Cry 5 et Tekken 7, c'est... Bon, l'offre est complètement ouf, là j'ai pas les infos si c'est sur console et PC, le Game Pass console je pense que c'est acté, pour le Game Pass PC, là j'ai pas l'info, mais on va surveiller ça de près. Et puis aussi, il y a le xCloud, hein, le xCloud que Microsoft prépare, le cloud gaming, hein, selon Microsoft, qui a donné donc quelques nouvelles lors de ce X019. Déjà lancé depuis un mois en Corée du Sud, en Royaume-Uni et aux États-Unis auprès d'un petit échantillon de testeurs, le service intégrera très bientôt plus de 50 jeux venant de 25 partenaires différents. Parmi eux, on distingue, hein, nous dit JV.com, Ace Combat 7, Soul Calibur 6, DMC 5, Tekken 7, Maiden, NFL 20, mais c'est pas tout puisque le xCloud arrivera sur PC pour les possesseurs de Windows 10 et ce dès 2020 et devrait prendre en charge plus de manettes dont la DualShock 4 de Sony et les manettes Razer. Le service sera également étendu dès 2020 à d'autres zones géographiques, Canada, Japon, Europe de l'Ouest, je précise, et visera l'intégration de jeux achetés, des sauvegardes, des listes d'amis, encore des succès. Ça se prépare bien pour Microsoft, hein, vraiment pour la prochaine génération, et je le dis ça en d'autant plus de manière objective, si tant est que l'objectivité existe vraiment en ce bas monde, mais je dis ça de manière d'autant plus objective que moi, vous savez, je suis plutôt Team PlayStation Nintendo. Voilà. Mais vraiment, il faut reconnaître là que Microsoft s'arme plus qu'il n'en faut. D'autant plus qu'on sait qu'ils n'ont pas mis le holà sur le rachat de studios, contrairement à ce qui avait été dit. Ils sont toujours en train de chercher encore de nouveaux studios pour les inclure dans la grande famille Microsoft. Hein, le chéquier est là et ça y va, ça y va. Bon, ça promet une guerre des consoles passionnante. Hein, voilà. L'un des événements aussi là de ces derniers jours, c'était l'annonce de Half-Life Alyx, le nouvel épisode tant attendu dans la série, mais, qui sera 100% VR, 100% en réalité virtuelle. Les numériques, .com nous disent, ce n'est pas le troisième épisode, mais c'est tout de même un sacré événement, puisque les fans de la franchise mythique de Valve attendent désespérément un nouvel épisode d'Half-Life, et donc la maison de Gabe Newell a présenté donc Half-Life Alyx. Alyx est un personnage bien connu des fans de la série. Ce jeu pourrait bien s'imposer comme un système seller, nous dit les numériques, pour la VR, puisqu'il s'agira d'une expérience uniquement jouable en VR, donc avec n'importe quel casque PC, qu'il s'agisse de modules Oculus, Vive ou Windows Mixed Reality. Donc, de ce que j'ai compris, cet épisode d'Half-Life va se situer entre le premier et le deuxième épisode. Il pourrait faire 15-20 heures, c'est pas une expérience. C'est un jeu vraiment à part entière. J'ai regardé plusieurs fois le trailer de lancement. Alors il faut se méfier. Effectivement, beaucoup rappellent que le deuxième épisode de Half-Life promettait des choses dans son trailer qui ne s'est pas retrouvé dans le jeu final. Mais là, ce qu'on voit, c'est quand même une sacrée interactivité avec tout ce qui nous entoure. Déplacer des objets, ramasser des munitions un peu partout. Enfin bref, c'est vraiment un jeu à part entière. On nous promet aussi pas mal de manières d'y jouer. Selon votre sensibilité ou pas, il y aura plusieurs configurations de proposer pour se déplacer dans le jeu. Bon, ça promet pas mal. C'est censé sortir donc au mois de mars 2020. Ce sera vendu 49,99€. Je n'ai pas de casque, même si après l'avoir essayé, j'aimerais beaucoup me prendre un Oculus Quest un de ces jours, qui sait. Mais là, ça pourrait être vraiment un des jeux marqueurs dans l'histoire de la VR. Donc, affaire à suivre. On va parler de la maman d'Uncharted, Amy Henning, puisque Skydance Media recrute Amy Henning pour créer des expériences narratives en streaming. C'est BigGeek.fr qui nous rapporte cette info et qui nous dit que depuis la fermeture de Visceral Games, effectivement, Amy Henning s'était fait quand même plus ou moins discrète, et donc l'ancienne directrice créative de la saga Uncharted rejoint Skydance Media pour développer de nouvelles expériences narratives. Elle va assembler donc une équipe et diriger une nouvelle structure qui sera indépendante de Skydance Interactive. Elle nous dit, je la cite, « Notre objectif est de créer des expériences attrayantes et innovantes avec un niveau de production élevé et la fidélité visuelle qui établiront la norme dans ce nouveau paysage médiatique. » Donc on attend de voir ce que ça va donner. J'ai un immense respect pour Amy Henning. C'est vrai que moi, je l'ai surtout connu pour son travail sur Uncharted, dont on l'avait découvert bien avant avec Legacy of Kain, le fameux épisode surtout Soul River. Donc c'est toujours très intéressant de suivre ce qu'elle va faire, et surtout après les déboires qu'elle a eus chez EA, on ne peut être qu'attentif là-dessus. On va passer du côté de Resident Evil, puisque l'épisode 3, vous le savez, on le savait même, j'ai envie de vous dire, des petites pistes ici et là étaient posées par Capcom sur l'éventualité d'un remake de Resident Evil 3, vu l'accueil vraiment dithyrambique, qu'il soit commercial ou critique, du remake, de l'excellent remake de Resident Evil 2. Donc le remake se préparerait pour l'année prochaine. C'est Gameblog qui nous dit ça, puisque selon la chaîne YouTube Spawn Wave, qui avait déjà eu vent d'Elden Ring avant son annonce, ainsi que Video Game Chronicles, donc confirmation de ces deux sources, et d'autres sources viennent s'ajouter encore par là-dessus, j'ai envie de vous dire, Capcom prévoirait donc la sortie du remake de Resident Evil 3 en 2020. Que dire de plus si ce n'est qu'on l'attend, même si moi j'étais plus Team Resident Evil 2, mais redécouvrir des rues de Raccoon City comme ça, avec la qualité qu'on a pu voir sur le remake de Resident Evil 2, c'est exceptionnel quoi, voilà. Moi, je rêve, voyez-vous, d'un remake de Resident Evil Code Veronica. En parlant de remake, au moment où j'enregistre cette émission, donc dimanche 24 novembre, il est exactement la 14h40 là où j'enregistre le tronçon de news, nous avons enregistré hier la nouvelle grande revue de presse JV avec les tipeurs, les contributeurs de l'émission. Il s'avère que le sujet porte sur les remakes, voyez, donc je place ça intelligemment maintenant. Je pense que ça va arriver dans quelques jours, la grande revue de presse JV. Il faut que je trouve le temps de monter l'émission, mais normalement ça devrait arriver, allez, on va dire d'ici une semaine à 10 jours, je ferai au plus vite, je vous tiendrai au courant. Enfin, on va parler de Pokémon épée et bouclier, puisque malgré la polémique, vous savez, des promesses qui n'ont pas été tenues, d'un certain foutage de gueule que certains pointaient, de ce hashtag qui appelait au boycott, hashtag qui n'a servi à rien du tout à Kutchi, puisque plus de 6 millions d'exemplaires vendus dans le monde en moins d'une semaine pour Pokémon épée et bouclier, un nouveau record pour Nintendo, c'est Nintendo Différence, l'excellent Nintendo Différence, qui nous cause de cela et qui nous dit que oui, bah les jeux, voilà, je viens de vous le dire, les jeux se sont vendus à plus de 6 millions d'exemplaires dans le monde, devant Super Smash Bros. Ultimate, ce qui représente le meilleur démarrage de la Switch depuis le lancement de la console datant du 3 mars 2017. C'est complètement dingo. Donc Nintendo, nous dit Nintendo Différence, a battu de nouveaux records avec la sortie de ces jeux, puisque Pokémon épée et bouclier se sont vendus à plus de 2 millions d'exemplaires au cours des deux premiers jours de commercialisation aux États-Unis. C'est assez hallucinant puisque c'est le lancement le plus rentable de tous les jeux Pokémon. Ni plus, ni moins, j'ai envie de vous dire. Le total des ventes de jeux Pokémon à travers le monde, d'ailleurs, s'élève désormais à 240 millions d'unités, ce qui donne le tournis, effectivement. C'est assez impressionnant. Donc de son côté, The Pokémon Company a maintenant confirmé que Pokémon épée et bouclier ont atteint les 2 millions d'exemplaires vendus seulement au Japon. Il y a 4 millions d'unités qui ont été écoulées dans le reste du monde. Toujours très impressionnant de détailler ces chiffres. Et les données de The Pokémon Company ont été fournies par Nintendo. Et elles incluent cette fois-ci les ventes en démat, très important, qui elles s'élèvent à 640 000 exemplaires vendus. Gros carton pour Pokémon. Alors moi je suis pas trop Pokémon, je l'avoue aisément. Si vous en êtes et que vous êtes en train de frétiller comme des tarés là sur Pokémon, mais j'aimerais bien avoir votre avis, voilà, sur le Discord de l'émission, sur le compte Twitter, Revue de presse JV, tout collé sur Facebook, partout, tous les liens sont dans la description. N'hésitez pas, mais voilà, immense respect à Pikachu et à toute sa bande. Le sondage d'il y a presque 15 jours, puisque vous le savez, il y a eu Marathon Podcast entre temps, concernait le Star Wars Jedi Fallen Order. Je vous demandais si ça vous faisait frétiller. Moi, je vous avoue que ça me fait un peu frétiller, parce que un Star Wars solo comme ça, qui a l'air de bien tenir la route, moi, ça me fait un peu frétiller. En tout cas, vous avez été 84 à voter, alors je compte sur vous pour la semaine prochaine, c'est-à-dire le nouveau sondage là que je vais poster aujourd'hui, au moment où vous écoutez l'émission, il est déjà là sur Twitter, il vous attend un cocktail à la main, un sondage qui va d'ailleurs concerner Shenmue 3. Donc sur le sondage concernant Star Wars Jedi Fallen Order, le jeu d'action dans l'univers de Star Wars, je vous demandais si ça vous faisait frétiller. Vous m'avez dit à 27%, oui, je suis frétillance. Vous êtes frétillance et vous avez bien raison. Bon, j'ai pas fait le jeu, mais c'est bien de s'enjoyer, comme disent les jeunes, quand même un petit peu. Vous êtes mi-frétillance à 21%. Vous êtes bif. Le deuxième bif est très important. 30%, bof, voilà, vous savez pas trop. Et 21% à m'avoir répondu, point du tout que non. Bon, la majorité est bif-bof, mais 27% est quand même en frétillance, donc globalement, on va dire que c'est positif. N'hésitez pas à me faire part de vos retours, d'ailleurs, quand vous aurez le jeu. Donc, nouveau sondage sur Shenmue 3, là, c'est déjà dispo, et je compte sur vous. Voilà, pour qu'il y ait un peu plus de votants quand même. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter, je vous en remercie. Quand je vois les nombreux auditeurs, et c'est un bonheur, voilà, qui écoutent l'émission. Et un petit peu moins de 100, un petit peu plus parfois pour les sondages. Allez-y, votez. Le pouvoir est entre vos mains, j'ai envie de vous dire. Et donc on débriefera ça la semaine prochaine, comme de bien entendu. Alors vous le savez, il n'y a pas eu d'émission la semaine dernière puisque j'ai participé au Marathon Cast 2019, un marathon qui a duré 27 heures, des podcasteurs se relayaient pour la bonne cause, pour l'association Espoir Autisme 94, pour aider cette superbe association. Je salue d'ailleurs Tina encore, sa présidente, qui est vraiment une Wonder Woman. Donc une structure qui accueille les enfants autistes qui ne peuvent pas être accueillis ailleurs. Et donc la structure manque de fonds, elle risque la fermeture. Et avec plein d'autres podcasteurs, donc on s'est relayé pour essayer d'amener des fonds pour cette association. Nous avons récolté plus de 4000 euros. Vous pouvez continuer à donner, vous pouvez continuer à effectuer des dons à l'adresse don.marathoncast.fr. dont au pluriel, .marathoncast tout collé, .fr. Vous pouvez continuer à soutenir l'association Espoir Autisme 94, je compte sur vous. Donc un grand moment vraiment, Natacha, mon épouse, pour ceux qui ont suivi l'événement sur Twitch, vous savez, était présente, on a vécu vraiment un week-end qui restera jamais à graver dans nos cœurs. Il y aura vraiment un avant et un après, lessivé d'émotions, mais positives, vraiment un tsunami d'émotions, et une communion vraiment entre tous les podcasteurs présents, c'était formidable. Je tiens à remercier encore Dr Nostal, qui est vraiment à l'origine de ce marathon, avec Terry du podcast Level Max, Gwen Leblon et son association formidable, Games & Co, TMDJC aussi, les killers de Bad Geek, le performeur Judge Jeff, vraiment ce streamer qui à lui seul a récolté plus de 1 000 euros, vraiment ce socle, cette dalle en ciment qui a fait que ce marathon puisse se faire, vraiment tous ces gens là immense respect éternel. Vraiment, on se sent petit bonhomme quand on voit tout ce que vous avez abattu. Et donc, immense respect aussi à tous les podcasteurs qui étaient là. Alors, certains ont dû partir un petit peu avant, c'est normal, pour des raisons familiales, de boulot. Certains sont restés jusqu'au bout. Avec Nat, on a eu la chance, vu qu'on a fait garder le petit par les grands-parents, on a eu la chance de pouvoir rester jusqu'au bout. Vous savez que c'était une cause qui nous tenait particulièrement à cœur, puisque notre enfant Axel est autiste. Je vous avoue que j'enregistre une semaine après le marathon, et l'émotion est... Et toujours là, je vous dis, il y aura vraiment un avant et un après. Vous savez, parfois on vit des moments très forts et puis au fil des jours ça s'égrène. Là, je suis toujours dans cet état d'extrême émotion. J'ai rencontré aussi sur place plein d'autres podcasteurs que je ne connaissais que via les réseaux sociaux. Et ça fait vraiment plaisir de discuter au-delà de certaines retrouvailles, de revoir certains copains, vraiment certains copains-copines. Au-delà de ce bonheur de revoir certaines personnes qui nous sont chères, j'ai fait la rencontre de plein de personnes absolument géniales. J'ai peur d'en oublier, ça va être vraiment un petit peu compliqué. Gros coucou à toute la team de B-Side Games, Super Gamerside, VHS et Canapper. Je connaissais déjà Creepers, donc je me mélange un petit peu entre ceux que je connaissais avant, que j'ai découvert dans l'événement. C'est un peu pêle-mêle comme ça. Qu'est-ce que vous voulez, c'est que de l'amour, c'est la vie. Upcast France, Backlog, Mikado Twix, Winston, Bras Gros Point, J'aime Jouer, bien sûr toute la team de la case, Amfa en premier lieu, les gars des Mots 5, Décennies, Final Cut, Dedos Podcast, qui est vraiment né en direct en plus durant ce... cet événement. Big up aussi à Belasco, à Punky et aussi à Cyril Drevet, donc j'ai pu débattre avec lui dans le cadre d'un podcast Emo 5, parce que voilà, plein de podcasts se sont enchaînés, je vous rappelle pas le principe, mais voilà, pendant 27 heures c'était un enchaînement d'émissions et votre serviteur a squatté pas mal d'émissions. Donc débat très intéressant avec Cyril Drevet, que j'ai rencontré pour la première fois et qui m'a paru vraiment fort sympathique et qui est venu soutenir la cause, et voilà, je le remercie à nouveau. Big up aussi à Yetcha, à Fox, que vous connaissez si vous écoutez par exemple Les Tauliers ou Tech Touch chez Radio Kawa, Blueprint, je m'en mets de les pinceaux à chaque fois, voilà, qui nous a bien aidé aussi sur l'event. C'est grâce à lui qu'on a pu tenir avec Red Bull par exemple. J'ai peur d'oublier plein de noms, Sushi que je salue, Yeti, Babar, si j'ai oublié de nommer votre nom, veuillez me pardonner, puisque j'ai enchaîné avec une grosse crève, je l'avais déjà un peu avant, mais j'ai toujours là la grosse crève, avec le boulot, tout ça, en ce moment, j'ai un rythme de boulot qui est assez, compliqué. Je suis plus ou moins tout le temps à l'ouest, on va dire ce qui est. Donc vraiment, je suis désolé vraiment si j'ai oublié votre nom, et c'est pas évident, mais en tout cas, j'embrasse encore tout le monde. Vraiment, c'était un grand moment. Alors là, au moment où je vous parle, les replays vidéo vont pas tarder à arriver, vous pouvez toujours voir les replays sur Twitch, mais en vidéo, et Bad Geek fait vraiment un travail formidable là-dessus. Vous allez pouvoir voir sur le site officiel marathoncast.fr, donc ça va tomber, et vous pourrez revoir si vous avez envie, les émissions auxquelles on a participé, auxquelles Natacha a participé, et puis les autres aussi, surtout, que des émissions de tarés, vraiment, c'est pas pour nous lancer des fleurs, mais toutes les équipes ont assuré, c'était formidable. Aussi, Bad Geek prépare des versions audio des émissions, et je mettrai sur le flux de la revue de presse JV, et ce sera le cas de beaucoup de nos camarades, les segments où on parlait de l'autisme. Voilà, si ça vous intéresse, je vais pas inclure ça directement à l'émission pour pas vous l'imposer, mais je mettrai sur le flux de la revue de presse JV si ça vous dit d'écouter. Il y a eu deux segments sur l'autisme, dont une émission où j'ai participé avec Natacha. Voilà, donc c'est un moment un petit peu plus intime, mais c'est important de faire comprendre aux gens l'importance de cette cause, comprendre ce qu'est l'autisme, parce que quand on n'est pas concerné, effectivement, c'est tout à fait normal. Il y a des choses qu'on ne peut pas forcément savoir. Donc bref, tout ça, ce sera sur Flux, je vous tiendrai au courant. J'aimerais vraiment remercier à nouveau Dr Nostal, Terry, Gwen, TMDJC et tous ceux vraiment voilà, qu'on fait que ce soit possible. C'était quelque chose d'énormissime. Vous le savez, si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, d'ailleurs abonnez-vous, hein, tapez MarathonK sur Facebook, sur Twitter, vous allez les retrouver tout de suite. Il y aura une nouvelle édition l'année prochaine qui se veut encore plus ambitieuse. Donc n'hésitez pas à soutenir, à partager. Merci mille fois à ceux, j'ai spammé vraiment le fil Twitter de l'émission, à tous ceux qui ont partagé, qui ont donné. Rien que le fait de partager, déjà, c'était important pour donner voilà, une ampleur voilà, un petit peu quand même médiatique, je dirais, à cet événement. C'était formidable, j'en suis encore chamboulé. L'occasion pour moi d'à nouveau de tirer vraiment mon chapeau à l'association Espoir Autisme 94, à sa présidente Tina, à son équipe et à toutes les associations voilà, qui travaillent pour faire en sorte que ces enfants qui sont la plupart du temps abandonnés par notre pays, c'est grave mais c'est ainsi, voilà, qu'ils fassent en sorte que bah, ces enfants puissent quand même avoir une vie décente et surtout être entourés et écoutés, que les familles aussi soient épaulées. Tout ça, c'est très très important. Voilà, donc merci encore à vous. Et puis voilà, on peut passer à la suite de l'émission. Vous aimez la revue de presse JV et vous désirez soutenir l'émission tout en obtenant de chouettes contreparties? Eh ben, il y avait une page Tipeee pour cela. Il y a toujours une page Tipeee pour cela. Et je remercie d'ailleurs tous les tipeurs vraiment de me soutenir. Merci à eux. Mais en plus du Tipeee qui reste en place, hein, si vous êtes sur Tipeee, ça ne change rien. Il est en place, ça ne bougera pas. Mais en plus du Tipeee, il y a maintenant aussi un Patreon. Le Tipeee n'est plus seul, il a un camarade. Donc c'est patreon.com/la-revue-de-presse-jv, tout collé. Vous pouvez me soutenir via Patreon, comme vous pouvez me soutenir donc sur Tipeee. tipeee.com/la-revue-de-presse-jv. Vous le savez, donc ça vous donne maintenant deux moyens pour me soutenir. Les contreparties sont les mêmes, les paliers sont les mêmes. Les contreparties, donc, je les rappelle, hein, c'est avoir accès en avance au sommaire de l'émission et de ses modifications tout au long de la semaine. Donc ça, sur la page Tipeee et sur la page Patreon, maintenant, vous avez accès à cela. C'est-à-dire qu'au fil des jours, vous pouvez voir vraiment l'émission, le chemin de fer de l'émission, le sommaire se construire avec ses modifications, etc. Vous avez donc la possibilité d'avoir accès donc, à toutes les news hein, de l'émission. Chaque mois, je fais un point sur l'audience, par exemple. Parfois, je vous fais des petits billets, etc. Donc ça, c'est que pour les tipeurs et pour les Patreons. Aussi, maintenant, désormais. Vous avez la possibilité donc de proposer des sujets pour la brochette de news, des coups de gueule, des coups de cœur, vous le savez. Et vous avez aussi la possibilité de participer à la grande revue de presse JV ou de chez vous, tranquillement, avec votre micro, votre connexion internet. Vous pouvez participer donc à cette grande émission à mes côtés. Voilà, donc désormais, il y a le Tipeee, il y a aussi le Patreon. Donc si vous voulez me soutenir, je vous en remercie vraiment grandement. Bref. Cette semaine, deux coups de cœur. Le premier concerne Vanifraise qui nous parle de Shenmue 3. D'ailleurs, c'est marrant parce que Shenmue 3, on va en parler là très très vite. Qui nous dit, bon bah du coup, j'ai donc joué à Shenmue 3 toute la soirée. C'est beau, beaucoup plus que prévu. C'est toujours aussi rigide en matière de jouabilité et d'animation. C'est bavard. Le début du 3 est dans le même rythme narratif que le 3ème GD-ROM du 2. L'interface est vraiment vilaine et peu lisible. Le système de bouffe est pour le moment pénible et est en plus un frein au fun qu'une nouvelle variable de gameplay à gérer. Oui, parce que la jauge d'énergie est la même que la jauge d'endurance, ce qui peut créer pas mal de soucis. La musique, nous dit Vanifraise, bien que répétitive, est très agréable. Les combats sont fun, bien que brouillon. L'ambiance est vraiment là. La nostalgie fonctionne à fond, la question étant, est-ce qu'un joueur n'ayant pas connu chez nous 1 et 2 pourrait y prendre du plaisir? Bref, au final, très gros coup de cœur. Merci Vanifraise pour ce cri d'amour envers Shenmue 3. Tulkas, de son côté, nous dit « Ultra coup de cœur pour la bande-annonce du jeu VR de Valve Alyx, Half-Life Alyx. Déjà, en termes d'ambiance et de visuel, on retrouve tout le savoir-faire du studio et on sent bien que le gameplay est aux petits oignons pour profiter à plein des capacités de leur casque. Je suis sûrement mort et j'ai atterri au paradis des gamers, c'est sûrement ça. Donc vraiment, vraiment très, très enjoyé hein, sur Alix. Monsieur Tulkas, on en parlait dans les news hein, tout à l'heure, dans la brochette de news. Je dois t'avouer que moi aussi, il me fait de l'œil, voilà. Ça va m'inciter d'autant plus à avoir un casque quand j'aurai gagné au loto. Bref, merci pour vos coups de cœur et puis n'hésitez pas, donc sur le Discord ou en commentaire sur la page Tipeee ou Patreon, de me faire part de vos coups de cœur, coups de gueule, hein, si vous en avez, et je les lirai avec grand plaisir la semaine prochaine. Le jeu de la semaine, et ben c'est bien sûr Shenmue 3. Il est enfin sorti. Shenmue 3, celui qui a défrayé la chronique, pour certains des moqueries, pour d'autres, il engendre une foi sans faille. Shenmue 3 est au centre des débats. Il est enfin là. Je rappelle, premier épisode, hein, fin 99 sur la défunte Dreamcast. Jeu novateur de Yu Suzuki. Hein, on lui a beaucoup pillé. Effectivement, c'est un jeu précurseur. Le paradoxe, c'est qu'on se retrouve là avec un Shenmue 3 qui fait débat, puisque pas assez moderne pour certains. Pour d'autres, c'est exactement ce qu'ils attendaient. Bon, Shenmue 3 est là. Alors, la question que tout le monde se pose, quel est l'accueil de Shenmue 3 ? Ben, il est assez contrasté. Et globalement, je dirais qu'il est quand même bienveillant. Ça lance encore un autre débat, puisque certains accusent, en fait, pas mal de journalistes d'être un petit peu, voilà, d'excuser un petit peu certaines lacunes du jeu, puisque c'est Yu Suzuki, parce que c'est Shenmue. Et en même temps, c'est compliqué, puisqu'on ne peut pas dissocier vraiment l'œuvre du créateur, Yu Suzuki, qui a toujours été un novateur. On va pas refaire toute la liste hein, des jeux, mais entre les Virtua Fighter, entre les Virtua Racing, si vous remontez plus haut, Space Harrier, Outrun, etc., ça a toujours été un novateur, effectivement, Yu Suzuki. Et donc, ce Shenmue 3 a une place un peu particulière, puisqu'il est vraiment de l'avis que ce soit des détracteurs ou même de ceux qui l'encensent, il est vraiment un petit peu comme s'il était sorti à l'époque, ce Shenmue 3, qui était tant attendu. Bon, on va commencer par JV.com. Hein. Silent J lui met 10 sur 20 à Shenmue 3 et nous dit « Shenmue 3 semblait se destiner principalement aux fans. En réalité, Shenmue 3 se destine exclusivement aux fans et aux irréductibles ou curieux. Yu Suzuki parvient à retrouver ce qui faisait de sa saga une œuvre à part et à proposer une approche contemplative du jeu d'aventure. Une douce brise poétique empreinte de liberté parcourt un récit et la mise en scène trop peu inspirée. Les quelques tentatives pour moderniser une formule qui souffle ses 20 bougies se soldent par des échecs. Le système de combat, aussi tactique soit-il, ne convainc que partiellement, sans oublier le déséquilibre créé par ce besoin constant d'argent à l'origine d'un sentiment tenace de frustration. Shenmue 3 est une œuvre anachronique, incapable de s'extirper de l'emprise d'un lointain passé. » Oui, je fais une petite parenthèse, effectivement, il y a des paliers à passer dans le jeu où vous êtes obligé de payer des sommes extrêmement grosses vers la fin, ce qui vous oblige à récolter un max d'argent, et le système de combat visiblement ne plaît pas à beaucoup de monde. Kamui, Daniel Andrieff sur GameCult, met 5 sur 10. Il nous dit « Cet épisode réussit à évoquer ses prédécesseurs tout en faisant moins bien sur tous les plans. L'émotion des retrouvailles est là, même si le pragmatisme économique et technique rattrape une fois de plus la série. Triste de voir que la plupart des ajouts à la mécanique de base sont tout simplement consternants. Mais on peut accorder au moins cela à Yu Suzuki, il comprend parfaitement l'essence de son jeu et ne l'a pas fait évoluer d'un iota. Lui qui était si en avance sur son temps en 1999 et si anachronique 20 ans plus tard. Que le troisième épisode prenne l'eau de toutes parts n'y change rien. Ce qui a rendu Shenmue si mémorable, ce n'est pas seulement les QTE contre des poulets, les courses de tortues et les situations ridicules qui vont égayer les let's play durant des années entières. Ce n'est pas uniquement son absence démente de deux décennies, même si cela a joué un rôle important. Ce qui rend Shenmue si unique, c'est son animisme et sa manière de raconter l'essence de l'Asie, la marque qu'il laisse dans le cœur des joueurs quand tout le reste a hélas disparu. D'ailleurs, Kamui qui a également dit, et j'ai trouvé cette remarque assez intéressante, que Shenmue 3 avait des airs d'un remake d'un Shenmue qui serait sorti à l'époque. C'est assez intéressant. Romain Mahu, lui, est séduit sur Gameblog, hein, il met 7 sur 10. Il nous dit « Inutile de se mentir, et même si Yu Suzuki et compagnie aimeraient créer de nouvelles vocations, Shenmue 3 est un jeu qui s'adresse avant tout aux fans des deux premiers épisodes. Les autres auront certainement du mal à passer outre une jouabilité très Dreamcastienne et différents soucis techniques. Malgré des conditions de développement différentes de celles des deux premiers jeux, il y a une vingtaine d'années, on est passé du triple A au budget sans précédent à un double A financé en grande partie par Kickstarter. Yu Suzuki a tenté de compromettre le moins possible sa vision. L'authenticité de l'expérience et sa fidélité à ce que Shenmue était sur Dreamcast fait que Shenmue 3 peut être considéré comme une réussite. L'immersion et le plaisir sont immédiats, et le joueur replonge dans les aventures de Ryo comme si Shenmue 2 était sorti l'année dernière, si bien qu'il est difficile de poser la manette une fois la partie lancée. Les personnes sensibles aux deux premiers jeux peuvent donc foncer les yeux fermés, elles n'ont certainement pas attendu ce test pour le faire. Certains novices fascinés par l'Asie et les arts martiaux y trouveront peut-être de l'intérêt aussi. Shenmue 3 rappelle en tout cas que la qualité de l'épopée imaginée par Yu Suzuki est, comme il y a 18 ans, laisse une seule envie, celle de découvrir ce qui va se passer ensuite. Reste plus qu'à espérer qu'un Shenmue 4 sorte avant 2037. Je refais une parenthèse, vous le savez, je suis spécialiste des parenthèses. Je devrais me faire un t-shirt et je refais une parenthèse, ce serait rigolo. Blague à part, j'ai beaucoup entendu... Alors moi, Shenmue, j'avais décroché au début du 2. Je pose le truc tout de suite. Je ne sais pas ce qui se passe clairement à la fin de Shenmue 2, quelque chose qui a marqué les joueurs, on attendait la suite, etc. Et j'ai quand même beaucoup lu que ce Shenmue 3 ne faisait pas beaucoup avancer le schmilblick et qu'on restait sur sa fin par rapport à cette suite qu'on attendait de l'histoire, et que maintenant il va falloir patienter à un Shenmue 4. Donc bon, je ne sais pas, il y a peut-être des fans de Shenmue parmi vous, et je pense à MachinTruc76, contributeur, tipeur de l'émission, très très fan de Shenmue. Je ne sais pas ce que tu en penses, MachinTruc, mais bon, quand tu auras fini le jeu, mais j'ai lu que beaucoup étaient restés sur leur fin, et que ça faisait pas beaucoup avancer voilà, l'histoire. Bon, on verra bien. Japan Pop lui met 6 sur 10 et nous dit « Il ne faut aucun doute que Shenmue 3 ne parlera qu'à une poignée de personnes. Ceux qui charmaient par deux volets incroyables et frustrés, donc par ce fameux cliffhanger hein, à la fin de l'épisode 2. » Japan Pop nous dit « Ce jeu n'a pas pour vocation première de charmer un nouveau public, hein, découvrant la licence en 2019. Réclamé par les fans, financé par ces derniers et développé pour eux, la question principale était donc de voir si Shenmue 3 répondait à ses attentes. Et c'est un pari réussi. » Même si le jeu souffre de nombreux stars, pour certains, indignes du standing de la licence et de son année de sortie. Les sensations sont là, l'ambiance est au rendez-vous et la magie opère une nouvelle fois malgré tout. On ne joue pas à Shenmue 3 pour être émerveillé, oh que non, par des innovations incroyables ou recevoir en pleine face un effet waouh comme en 1999, mais tout simplement pour poursuivre un rêve interrompu pendant bien trop longtemps. Dès lors, on peut considérer le contrat comme étant rempli. Alors, contrat rempli? Mais 6 sur 10 quand même, hein. On va passer du côté de la presse étrangère. Polygone nous dit « Ce n'est pas le manque d'élégance des dialogues ou les bugs qui rendent ce jeu si décevant, mais l'idée qu'une série ait été si obsédée par ce qui serait possible de faire dans le futur et qui est devenue une façon pour les joueurs de revisiter le passé. » C'est assez intéressant comme réflexion. Polygone, hein, qui ne met pas de notes, hein, bien sûr. Côté Espagne, Obi Consolas, oui, mais 80 sur 100. Et nous dit « Shenmue 3 a quelques problèmes et ce n'est pas un titre pour tout le monde. Mais si vous avez aimé les deux premiers volets et que vous savez de quel type de jeu il s'agit, il vous satisfera dans la mesure où le gameplay, le décor et le scénario sont assez bons et restent fidèles à l'esprit Dreamcast. Ça valait la peine d'attendre 18 ans. Maintenant la question est, quand pourra-t-on jouer à Shenmue 4 ?» Du côté de l'Angleterre, Metro Game Central nous dit « Un rêve qui devient réalité pour les fans. » Et alors que la plupart des autres auront du mal à comprendre l'appel, il est impossible de ne pas admirer la vision et la ténacité de Yu Suzuki, non seulement pour faire le jeu, mais pour le faire à sa façon. 6 sur 10 d'ailleurs, hein, la note de Metro Game Central. Côté US, Games Radar dit « Malgré tout, malgré ses désagréments, malgré le fait qu'il s'agisse d'un jeu conçu avec des sensibilités vieilles de plusieurs décennies, j'ai passé du bon temps avec Shenmue 3. » Oui, le journaliste de GamesRadar a passé du bon temps. Eurogamer, lui, nous dit, donc Eurogamer, là on retourne en Angleterre, « Oui, Shenmue 3 peut ressembler et se jouer comme un jeu Dreamcast. Mais un jeu Dreamcast qui est aussi déjanté, exaspérant, magique et majestueux que l'étaient Shenmue 1 et 2, tous deux de grands classiques. Je pense qu'il y a de bonnes raisons pour s'en réjouir. » Et enfin, côté Allemagne, 4Player, 83 sur 100, nous dit exactement ce que les fans de la franchise espéraient. Une expérience réfléchie, avec beaucoup d'aventures, un peu d'action et une attention étonnante aux détails. Un peu démodé parfois, mais beau partout. Donc vous voyez, c'est assez marqué, c'est un jeu qui divise, hein. Un peu comme Death Stranding dans un autre, dans un autre registre, mais revient la thématique quand même de la vision d'auteur. Alors si vous êtes en plein chez nous 3, outre machin truc, et machin truc, hein, vraiment je t'invite comme d'habitude à réagir, si vous êtes en train de faire chez nous 3, j'aimerais bien avoir votre avis hein, sur Twitter, sur Discord, où vous voulez, pour voir où vous vous situez. Est-ce qu'on excuse trop à Shenmue 3? Est-ce que c'est vraiment le jeu que vous attendiez? Bref, dites-moi tout, je n'attends que ça. Si cette émission vous plaît, n'hésitez pas à en causer autour de vous, à partager un max sur les réseaux sociaux, c'est vraiment super important. Un commentaire, une question ou juste une envie de tailler le bout de gras avec votre serviteur et les autres auditeurs, eh ben c'est simple, il y a le compte Twitter de l'émission, @revuedepressejv, tout collé. Il y a aussi la page Facebook, hein, vous tapez simplement Revue de Presse JV et bim, vous tombez dessus. Sinon, l'émission a un superbe Discord abritant une non moins superbe communauté. Tous les liens, de toute façon, sont en description de cet épisode. Je rappelle que toutes les éditions sont dispo H24 sur iTunes, Deezer, Spotify, YouTube et sur quasiment toutes les applis de podcast, sans oublier la web radio Play Geek, hein, où l'émission est diffusée chaque mercredi. Bref, je suis partout. Oui, c'en est presque flippant. Vous n'êtes pas sans ignorer, mes chers amis, que Google Stadia s'est lancé officiellement le 19 novembre dernier, donc là il y a quelques jours, et je ne sais pas vous, mais après avoir été mini-hypé, hein, je dois bien l'avouer, par la présentation de Google, à l'époque, les interrogations hein, se succédaient aux doutes. C'était un petit peu le bordel pour s'y retrouver, Google Stadia. Et donc, déjà, bon, c'était l'un des événements de cette semaine, même si ce lancement n'est pas pour tout le monde, on va y revenir. Et il me fallait, pour la revue de presse JV, bien évidemment, vous en parler. J'ai cherché un petit peu les sites, les papiers qui ont fait la meilleure synthèse et en même temps les meilleures critiques, en tout cas qui me paraissent objectives, sur ce qu'est Google Stadia. Et vous allez me dire, tu la ramènes encore avec Gamecult, mais le fait est que effectivement Nodus, que je salue et que je félicite, a fait pour moi la meilleure couverture hein, de cette sortie, de ce lancement de Google Stadia. Un énorme dossier sur Gamecult, le lien sera bien sûr hein, dans la description de l'émission. Je vais pas vous lire l'intégralité du dossier, sinon on y est encore demain. Le dossier est assez dense, avec beaucoup de comparos, de chiffres, de tableaux, de tests techniques au millième près. Enfin vraiment, c'est du beau boulot, hein, ça a vraiment dû lui demander un certain temps. Je vais essayer, et ça va être un peu long quand même, bien sûr, mais essayer quand même de synthétiser un petit peu tout ça. On va poser tout de suite les choses. On nous rappelle déjà d'emblée que donc c'est arrivé là le 19 novembre dernier. Le service de cloud gaming hein, Google Stadia s'est ouvert au public et permet donc en théorie de jouer à 22 jeux sur n'importe quel device, hein, ordinateur, tablette, écran équipé d'un port HDMI, téléphone, etc. Donc la promesse, nous dit Nodus, hein, de faire tourner des mastodontes hein, comme Red Dead Redemption 2 ou Assassin's Creed Odyssey sans rien télécharger sur un appareil aussi puissant qu'une pomme de terre, effectivement ça a de quoi captiver, ça a de quoi titiller comme notre fibre gamer, on va pas se le cacher. Tout cela a un prix, bien sûr, et pas qu'un prix, je dirais, pécunier. On va en parler. Alors tout d'abord, on va revenir sur le concept de Google Stadia, puisque pour certains, c'est pas encore très très clair, et à raison, puisque là, la com, je trouve, autour de Stadia est vraiment perfectible. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais on n'est pas dans le cas d'école de la Wii U, mais c'est un petit peu compliqué. Bon, Nodus nous rappelle que ces dernières années, on entend donc de plus en plus parler de cloud gaming. Les promesses et les services se multiplient, du français Shadow, que l'on salue, qui propose d'héberger une machine virtuelle à distance, au futur projet xCloud de Microsoft qui lui a l'air d'avoir comme de sacrés arguments, hein, puisque le xCloud de Microsoft permettra de profiter des jeux du Game Pass sur des supports mobiles en passant par le service GeForce Now de Nvidia. Bref, les offres diffèrent, il y en a un petit peu partout, et Google déboule dans l'arène avec Stadia. Donc, en souscrivant un abonnement mensuel, il est possible, hein, nous dit Gamecult, d'acheter une sélection de jeux sur une boutique en ligne pour pouvoir ensuite y jouer sans installation ou téléchargement. Alors déjà là, vous voyez, le postulat de départ déjà peut déjà embrouiller l'esprit. Hein. Donc je rappelle, on souscrit un abonnement mensuel, et ensuite il est possible d'acheter, hein, donc il y a l'abonnement, et après il y a la possibilité d'acheter des jeux sur une boutique en ligne pour pouvoir y jouer sans installation ou téléchargement. Bref, Et ça, c'est à partir de n'importe quel appareil équipé de Google Chrome sur une télévision en y brochant un Chromecast Ultra ou sur téléphone mobile. Et donc, ce que certains pressentent, nous dit Nodus, comme le futur du jeu vidéo, c'est avant tout la promesse de ne plus avoir à se soucier d'un support matériel physique pour profiter des jeux récents. Stadia, donc, c'est une machine directement hébergée sur les serveurs de Google qui lance votre jeu à distance et vous envoie l'image comme un flux vidéo à retransmettre sur le terminal de votre choix. Dans les faits, Stadia en France, aujourd'hui, c'est une seule offre disponible sur la boutique Google, la Premiere Edition. Vendue 129€, elle contient la manette Stadia, on va y revenir un peu plus tard, un Chromecast Ultra pour jouer sur sa télé, 3 mois d'abonnement à Stadia Pro, après quoi il faudra quand même payer 9,99€ par mois, et au lancement, donc bah là depuis le 19 novembre, l'abonnement Stadia Pro donne accès à Destiny 2 et Samurai Shodown en tant que jeu offert. Mais les autres jeux doivent être achetés au prix fort sur la boutique Stadia, en plus du prix de l'abonnement. Et là, on pointe un des premiers soucis, c'est que même des jeux qui commencent à avoir un petit peu de bouteille sont vendus au prix fort. On ne se pose pas la question, c'est plein pot, hein, où tu rentres chez toi. C'est ça, vraiment. Il y a 22 jeux disponibles, je ne vais pas vous refaire la liste complète, mais enfin, pour les plus connus, on a donc Assassin's Creed Odyssey, Destiny 2, FF15, Football Manager 2020, Metro Exodus, Mortal Kombat 11, Rise of the Tomb Raider, Samurai Shodown, l'illustre Red Dead Redemption 2, Wolfenstein Youngblood, Rage 2 et j'en passe. Stadia est donc de base, nous rappelle Nodus, un service qui peut revenir assez cher. Si on souhaite juste jouer, c'est difficile à dire, hein, si on souhaite juste jouer, ça fait un bon exercice. Donc si on souhaite jouer à Just Dance 2020, par exemple, hein, qui est disponible dans les premiers titres, via le service de Google, il faudra en tout débourser 178,99€, et oui, 129€ plus, donc pour avoir le pack, hein, pour avoir le pack Google Stadia, plus 49,99€ pour le jeu. Pour Red Dead 2, on atteint même les 188,99€, nous dit Nodus, puisque le jeu est vendu 60€. Il est donc regrettable, nous dit le journaliste, de constater que certains titres, pas forcément tout jeunes, hein, comme Shadow of the Tomb Raider, Destiny 2 ou donc Assassin's Creed Odyssey, soient vendus au prix fort sans la moindre réduction. Et précisons-le à nouveau, nous dit Nodus, Google Stadia n'est pas le Netflix du jeu vidéo. On paye, en tout cas pour l'instant, un abonnement à 10€, puis ça nous donne accès au catalogue où on doit acheter les jeux sur la boutique. Donc c'est un accès à une boutique où on rachète les jeux. Vous voyez déjà, moi à la base, je dois bien vous avouer, c'est pas ce que j'avais compris. Donc, c'est important de le préciser, hein, je pense pas être plus bête qu'un autre, donc j'imagine que certaines et certains d'entre vous n'avaient pas non plus complètement capté le truc. L'offre Stadia Base, hein, qui elle est prévue pour 2020, là où tout le monde aura accès, permettra quant à elle de s'inscrire gratuitement pour acheter des jeux sur Stadia avec une résolution limitée à 1080p. Il faut préciser que certaines fonctionnalités de Stadia sont manquantes au lancement, hein. Il n'y a pas par exemple d'assistant audio, hein, comme ça avait été promis, et les fonctionnalités streaming que Google avait également promis, comme le Stream Connect, le State Share ou le Crowd Play, tout ça, il faut attendre, hein. Aucune possibilité de partage familial également, il y a beaucoup de choses qui manquent. Vous verrez les détails dans l'article, hein. En tout cas, à l'heure actuelle, on ne peut jouer qu'en 4K, attention, qu'en passant par un Chromecast Ultra, hein. Les versions PC sont limitées à du Full HD 1080, et en croire Google, hein, nous dit le dossier, il faudra attendre plusieurs semaines ou mois, hein, avant de profiter de ces fonctionnalités qui devraient arriver par le biais d'une mise à jour. Le jeu sur support mobile n'est quant à lui disponible que sur téléphone Pixel, hein, les téléphones de la gamme Pixel de Google, le 2, le 3, le 3A ou le 4. Hein, d'autres terminaux Android et iOS devraient être supportés dans les mois à venir, mais on n'en sait pas plus pour le moment. Et alors attendez, là c'est cocasse, il faut obligatoirement brancher la manette à son téléphone grâce à un câble USB, hein, type C, vers USB type C. Hein. Stadia ne permettant pas encore de connecter la manette à son téléphone en mode sans fil. Et là, je vous dis, ça donne des photos, des vidéos qui sont quand même assez rigolotes. Bon, parlons installation et matériel. Donc, le dossier de GameCult nous rappelle qu'ils ont reçu donc un kit de test de la part de Google donnant accès au contenu de la première édition avec un téléphone Pixel 3a XL hein, pour les besoins du test. Alors la première étape de l'installation, déjà, c'est d'avoir un compte Gmail, hein, bien sûr, ça c'est la base, compte Gmail qui sera ensuite lié à Stadia. C'est le premier lancement de Stadia qui sera le plus fastidieux, nous dit-on, puisqu'il sera demandé de se connecter à un Wi-Fi, télécharger l'application Stadia sur son téléphone Android, entrer son code d'accès première édition, se créer un profil sur la plateforme, choisir un avatar et renseigner une carte bleue que l'on n'oubliera pas de supprimer si l'on ne veut pas être débité à la fin des 3 mois offerts. Ça c'est très important et ils font bien de le rappeler dans le dossier. Viennent ensuite, nous dit-on, le branchement et la configuration du Chromecast Ultra pour diffuser le jeu sur un téléviseur et jouer en 4K HDR. Si celui-ci, bien sûr, est compatible avec ces normes-là. Il faut alors installer Google Chrome, activer la localisation du téléphone, prendre soin de se connecter au même réseau Wi-Fi sécurisé, ce qui permettra par la suite de jouer à n'importe quel jeu sur sa télé et d'y connecter la manette sans fil. En tout et pour tout, nous dit le dossier, en possédant simplement un compte Gmail et sans avoir utilisé de Chromecast de sa vie, l'installation a pris, en tout cas à Nodus, une bonne demi-heure. On va parler de la manette. Alors la manette, vous le savez, visuellement, elle est pas si moche que ça. On dirait un petit peu une manette Xbox One ou une manette Pro un peu Switch. Elle est livrée avec le pack première édition ou vendue séparément à 69€. Il s'agit du seul objet physique développé par Google, hein, nous rappelle-t-on, pour la sortie de Stadia. Nodus trouve que la finition plastique est globalement correcte, hein, la prise en main est agréable. Bon, voilà, c'est une manette qui a une belle tranche. Sachant que la synchronisation s'effectue par Bluetooth et Wi-Fi, la manette étant détectée par notre téléphone avec l'application Stadia via Bluetooth, puis appareillée à un Chromecast Ultra via Wi-Fi. Et ce, après avoir effectué une combinaison de touches. Et c'est là le principal défaut vraiment de cette manette, puisque pour la connecter sans fil à un Chromecast Ultra, tout passe par le Wi-Fi, donc un seul petit souci au niveau du réseau, par exemple quelqu'un qui va pomper le Wi-Fi à la maison pour regarder un film ou pour jouer en ligne, que sais-je, un problème technique, bref, la manette se déconnecte. Ça peut être très problématique si vous êtes nombreux à la maison à utiliser Internet, si vous avez une ligne qui est un petit peu perfectible, ça vous déconnecte carrément la manette, quoi. C'est complètement ouf. Il est arrivé visiblement dans les locaux de Gamecult hein, d'être obligé à reconfigurer vraiment de manière répétée le pad pendant plus de 10 minutes visiblement, alors que la connexion était fiable. Hein. Donc ça, apparemment ça pose pas mal de soucis. Alors attention, on ne peut pas non plus connecter la manette Stadia sans fil à un téléphone, ce qui impose donc de disposer, comme on le disait tout à l'heure, d'un USB-C vers USB-C pour pouvoir jouer à n'importe quel jeu sur mobile. Je vous le disais tout à l'heure, mais je préfère vous le rappeler, comme le souligne Nodus, c'est profondément stupide et oui, c'est une décision qui est quand même assez incompréhensible. On va passer au chapitre expérience utilisateur et interface. Je le rappelle, comme je vous le disais en introduction de ce sujet, là je passe vraiment les grandes lignes. Hein. Le dossier est très complet avec beaucoup de tests très pointus. Donc l'expérience utilisateur et interface, et oui, puisque à l'instar de beaucoup de supports de jeux modernes, Stadia propose un software dédié et une interface d'accueil à partir de laquelle lancer les jeux, retrouver ses amis ou trier ses captures devrait se faire sans trop d'encombre. Bon, en appuyant sur le bouton central de la manette, on accède à un menu latéral pour voir l'état de notre connexion, hein, voir quelles manettes sont connectées à Stadia et quels sont nos amis en ligne. C'est tout ce qu'on a. Et pour le reste, tout se passe par l'application à télécharger sur son téléphone. Et là encore, je trouve que c'est hyper bordélique puisque vous le verrez, on peut faire il y a des choses qu'on ne peut faire et des choses assez importantes comme acheter des jeux que par l'application téléphone. Donc il n'est pas pour l'heure possible d'acheter des jeux ailleurs que sur cette appli Stadia. C'est complètement ouf. Il n'est pas possible d'activer le HDR ou son mode de consommation de données en dehors de l'application mobile. Le dossier nous dit que les quelques paramètres que l'on peut modifier sont uniquement trouvables sur cette même application qui donne l'impression d'utiliser son téléphone mobile comme une télécommande, disposant en prime d'un nombre de boutons limité. La moindre interaction avec le système est fastidieuse, nous dit le papier. Les interfaces Google Chrome et Stadia affichent des menus ultra simplifiés d'une pauvreté déconcertante. Il faut donc obligatoirement se rabattre sur l'application mobile, qui n'est pas non plus visiblement très plaisante à parcourir. Donc, vous l'aurez compris, là, les premiers acheteurs, les early adopters, j'ai envie de vous dire, font office de bêta-testeurs, ni plus ni moins. Hein. Je crois qu'on est vraiment là-dedans. Nodus nous met en garde, il nous dit attention, attention, si vous jouez en multijoueur en ligne à Stadia, donc par exemple à Destiny 2 ou au mode multi de Red Dead 2, vous ne jouez qu'avec les possesseurs de Stadia et non pas aux autres joueurs qui peuvent jouer sur PC, sur console. Non, vous ne jouez qu'avec les possesseurs de Stadia. C'est étonnant, voyez, pour rester soft. Alors on va passer au banc d'essai, hein. Vous verrez, alors là, c'est l'une des parties que j'ai le plus résumé, puisque là il y a énormément de chiffres, énormément de tableaux comparatifs, vous verrez ça sur le papier, mais GameCult a donc essayé Google Stadia avec 4 configurations différentes. En préambule, on nous rappelle que Stadia envoie toujours un flux vidéo à 60 images par seconde et en 1080p ou 30 images par seconde en 4K. Ensuite, donc, voilà, c'est la connexion qui va faire foi. Donc, il y a eu 4 configurations, hein, 4 situations vraiment de test. Un réseau professionnel fibré, Ethernet et Wi-Fi, donc là, j'imagine que c'est dans les locaux de GK, sur une télévision 4K via Chromecast Ultra. Bon, là, on nous dit que c'est ça, hein, l'expérience optimale promise par Stadia, jouer en 4K sur une grande télévision via un Chromecast Ultra et une connexion dédiée. Et là, pour le coup, bon, c'est plutôt impressionnant, voilà. C'est ce qui ressort vraiment de ce test-là. Deuxième test, avec un réseau personnel fibré en Ethernet sur un PC haut de gamme via un onglet Google Chrome, hein, le navigateur de Google. Alors là, on nous dit que c'est stable, généralement fluide, mais franchement pas très beau. Voilà. Là, je vous rappelle, on est sur comme de la fibre, hein. Voilà. C'est stable, mais voilà, c'est pas aussi beau que les versions PC ou les grosses versions consoles. Sur un réseau ADSL personnel en Wi-Fi sur un MacBook Pro et une Surface Pro 4, là, on est sur la plus grosse surprise des sessions de test de GameCult, puisque Stadia, visiblement, hein, donc je rappelle, hein, je le rappelle, réseau ADSL personnel Wi-Fi sur MacBook Pro ou une Surface Pro 4, et ben là, Stadia tourne de manière fluide, alors avec des concessions graphiques bien sûr, mais globalement, ça marche bien. Enfin, quatrième configuration de test, réseau fibré personnel en Wi-Fi sur un téléphone Pixel 3a XL. Alors là, très clairement, nous dit Nodus, ce type d'expérience ne s'adresse pas aux joueurs les plus tatillons ou aux possesseurs d'un PC de la NASA, mais c'est aussi l'une des plus impressionnantes. Pour une raison très simple, l'écran est tout petit et les jeux donc paraissent beaux et sont fluides si la connexion est stable. Donc évidemment, vous êtes sur un téléphone mobile, donc fatalement, le jeu paraît plus beau. C'est une manière de tricher un petit peu. Par contre, j'ai vu des vidéos, y compris celles de GameCult et d'autres, quand vous avez le téléphone avec un petit accessoire donc pour avoir le téléphone qui se tient avec une sorte de pied sur la manette, le fil qui va bien. Quand vous êtes dans le feu de l'action, vous avez l'écran du téléphone qui tremblote. Je suis désolé de vous le dire, mais c'est juste ridicule. Voilà. De voir ça, c'est juste ridicule. Nodus nous rappelle qu'il faut quand même obligatoirement passer par une connexion Wi-Fi, hein, pour jouer sur son téléphone à Stadia. Hein, il nous dit, n'espérez donc pas profiter des jeux sur mobile en utilisant la 4G d'un téléphone. Et non, là encore, voilà, c'est un peu particulier, mais il faut le savoir. Tout ça se passe sur le réseau Wi-Fi, c'est-à-dire chez vous ou au boulot. Au boulot, ça m'étonnerait. Après, je ne sais pas, hein, si vous avez un patron qui est très compréhensif ou pendant la pause. Mais par contre, chez vous, donc jouer sur son mobile juste pour rester chez soi, bon, là encore, vous vous ferez une idée, mais pour moi, on frise un petit peu la pantalonnade sur ce point-là. Après, ça peut tout à fait évoluer, hein, mais j'ai envie de vous dire, c'est quand même un petit peu bizarre. Quelques mots maintenant sur l'input lag. L'input lag, hein, c'est ce qui désigne, rappelons-le, le temps qu'il y a entre la pression du bouton de la manette et la réalisation du mouvement demandé à l'écran. Et c'est vrai qu'au niveau du cloud gaming, on peut se poser la question. Dans l'ensemble, hein, des tests effectués par Nodus, Stadia affiche en moyenne, nous dit-on, une cinquantaine de millisecondes de latence supplémentaire. Alors c'est pas dérangeant, puisqu'assez difficilement perceptible. Voilà, tout dépend où se trouve votre seuil de tolérance sur le sujet. Avant de conclure, on nous parle aussi de l'instabilité du réseau, puisque ce n'est pas la puissance de la connexion qui prévaut pour Stadia, visiblement, mais bien la stabilité du dit réseau. On aura beau se connecter à Stadia, nous dit-on, avec la meilleure fibre optique du monde, si le petit frère, hein, décide de démarrer la PS4 dans la pièce d'à côté ou que papa se détend devant Netflix, on risque de passer un sale quart d'heure sur le service cloud gaming de Google. Déconnexion intempestive, crash, manette non reconnue, artefacts graphiques omniprésents ou son qui saute, le rendu est considérablement bousculé par le moindre changement de débit. Alors ils l'ont bien vu visiblement avec Red Dead 2, hein, beaucoup plus fluide sur une connexion ADSL à 2 mo/s en Wi-Fi, hein, que sur la fibre personnelle donc de Nodus à 50 mo/s sur Ethernet, ce qui est complètement, je trouve, aberrant. C'est aberrant. Conclusion donc, on nous dit qu'après 5 jours de test, hein, GameCult et Nodus hein, se demandent encore à qui s'adresse Stadia. Il nous dit, je cite, « On se demande encore qui serait prêt à dépenser autant pour un résultat si incertain et une technologie qui, bien que très impressionnante, aurait encore mérité plusieurs mois de travail. » Alors oui, on ne peut pas s'empêcher d'être impressionné par un Red Dead 2 qui tourne sur un téléphone ou un Mortal Kombat 11 relativement fluide sur un onglet Chrome, mais le cloud gaming de Google est encore bien trop jeune pour être conseillé à qui que ce soit. Il ajoute « Les fonctionnalités sociales qui représentaient pourtant l'un des principaux atouts de la plateforme sont tout simplement absentes du lancement. » Donc à l'heure actuelle, Stadia est un accès anticipé vendu au prix fort. Hein. C'est une boîte de nuit flambant neuve, gardée par un videur désagréable qui nous demandera 130 balles à l'entrée, puis 10 balles à chaque pause club, et où il faudra encore raquer 60 balles pour siroter un cocktail. Je trouve que l'image est assez rigolote. La blague, conclut Nodus, c'est que même à ce prix-là, on ne sait pas encore ce qu'il y a dans le verre. Donc voilà, je suis désolé vraiment pour le côté un peu long de ce segment, mais j'ai vraiment essayé de synthétiser un maximum, puisque comme je vous l'ai déjà dit, le dossier est assez vraiment gargantuesque. Allez le lire hein, si vous êtes intéressé. Moi personnellement, ça m'a complètement refroidi, là ce que j'ai pu lire. Pour la suite, et ben j'ai envie de vous dire, c'est vous qui décidez. N'hésitez pas d'ailleurs sur le compte Twitter de l'émission @revuedepresse, j'ai les tout collés, à me dire si Stadia, bah, ça vous fait frétiller comme des petites truites ou pas. Moi personnellement, là je ne frétille pas du tout. Allez, je pense qu'il est grand temps de nous quitter. Oh oui, c'est triste, mais c'est comme ça, que voulez-vous ? C'est la fin, mes chers amis, c'est la fin, il est temps de nous quitter, mais comme d'habitude, vous ne le savez que trop bien, on se retrouve la semaine prochaine. Merci de m'avoir suivi à nouveau ce matin, ou cet après-midi, ou cette nuit, ou ce soir, je ne sais pas. Quelle que soit l'heure à laquelle vous m'écoutez, j'aimerais donc remercier comme chaque semaine les contributeurs de l'émission. Commençons par les tipeurs. Merci à Neo Calimero, Malodélic, Crocodine, Pipoletsu, Seb22, Mopral, Trifon, Valentin, Siwidiju, Electrotactics, Tophobie, Fabien, Clem, Deben, Yvan Le Pierrot, Machin Truc 76, Karan, Laure, Hiromitsu, HXC, Tulkas, Bertrand Amar, coucou mon Bertrand, Cédric, Lina Nounette, Pikachu HL9, Nicolas Vanifraise, X, Nili, Carnoct, Melkioc, Lutherian, Aza, Slokoane que j'ai eu le bonheur de rencontrer lors du Marathon Cast, donc le week-end dernier. Ça a été un grand plaisir de te rencontrer, Slokoane. Donc spécial big up à toi, Evolix, Forza Pedro, JP Madère, Monsieur A. Et Gontran sur Patreon, premier patron hein, du patron de l'émission. Donc Gontran, salut à toi également. Bref, merci mille fois à toutes et tous pour votre soutien. Merci à toutes les auditrices, à tous les auditeurs. Je vous donne donc rendez-vous lundi prochain, même heure, même flux. Et en attendant, je vous souhaite, comme toujours, panache et robustesse pour la semaine qui arrive. Gros béco et à tantôt.